إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, inshallah, on commence le troisième cours dans le livre du Cheikh Al-Fawzan, Durusun min al-Qur'an al-Karim. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va commencer l'interprétation ou l'explication ou le tafsir en arabe de Suratul Baqarah. Étant donné qu'on a terminé tafsir Suratul Fatiha la semaine passée, donc là on commence. Et le cheikh, bien entendu, il va pas faire le tafsir de Al-Baqarah en entier, mais seulement les 20 premiers versets dans Suratul Baqarah. Donc le cheikh il dit الدرس الثالث تفسير الآيات العشرين الأول من سورة البقرة. Donc c'est les 20 premiers versets de Sourate Al-Baqara. نعم. Donc le frère le cheikh il dit quoi? Il dit تمهيد, introduction. Hein, c'est comme une petite préface qu'il fait. Il dit هذه السورة الثانية في المصحف. هذه السورة الثانية في المصحف. C'est la deuxième سورة dans le مصحف. تسمى سورة البقرة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها لمعرفة قاتل القتيل الذي اشتبه في قاتله. نعم. Donc le cheikh il dit que elle s'appelle البقرة, c'est-à-dire la vache. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il a mentionné l'histoire de la vache que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné ou avait ordonné à Bani Israël de dégorger dans le but d'arriver à connaître le tueur qui avait fait, qui avait tué une personne et dont on connaissait pas réellement le coupable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné de tuer cette vache. Puis quand ils ont fini de l'égorger, bon, ils ont, au début ils ont refusé, puis ils ont argumenté beaucoup entre eux, puis finalement ils ont fini par tuer une vache. Walaykoum salam. Donc au début ils voulaient, Allah leur a ordonné de tuer n'importe quelle vache, mais eux, au lieu de se soumettre et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils ont commencé à y refuser de suivre l'ordre et commencer à dire laquelle des vaches, décris-nous la vache, etc. Donc en même temps, c'est qu'on voit leur tempérament et leur attitude, c'est-à-dire l'attitude de ces gens-là de Bani Israël, qui est toujours d'essayer de s'opposer aux messagers, puis de poser plein de questions, d'essayer de se détourner du commandement et de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir de cette attitude-là de leur part, eh bien, il leur a rendu la chose de plus en plus difficile. Plus ils posaient de questions, plus ils se détournaient de l'ordre, eh bien, plus Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait des descriptions d'une vache qui était plus difficile pour eux d'égorger et de sacrifier. Parce que c'était pour eux une vache qui allait être de plus en plus de valeur. Puis finalement, ils l'ont fait, hein, à la fin. Et puis, donc ils ont connu, ils ont réussi à savoir qui était le responsable du meurtre, etc. Donc à cause de cette histoire, on a appelé cette sourate Suratul Baqara. Et le cheikh dit: هذه سورة عظيمة تضمنت علوما غزيرة في العقيدة والأحكام وقصص الأمم السابقة وغير ذلك. Donc le cheikh il dit que c'est une grande sourate parce qu'elle comprend toutes sortes de sciences et de connaissances importantes dans le domaine de l'aqida et dans l'ahkam, c'est-à-dire les règles de la sharia, et dans les histoires des peuples précédents, et ainsi que beaucoup d'autres domaines également. Le cheikh dit: وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَعَلُّمِهَا فَقَالَ تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité et a incité les gens de l'apprendre. Et il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Bouraïda, qui dit: apprenez surat al-Baqara, parce que celui qui l'apprend ou de l'apprendre, c'est une baraka, c'est une bénédiction, et de l'abandonner, c'est une hasra, c'est une perte. Et al-Batala, ils ne sont pas capables, c'est-à-dire les shayatines, comme le cheikh il dit. Les shayatines, il dit: ash-shayatinu la yastati'un al-baqa fi al-makan alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqara. Donc les diables, les shayatines, ils ne sont pas capables de rester dans un endroit où la surat al-Baqara est récitée. Et il mentionne un hadith qui dit: وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ الشَّيْطَانِ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ. Le shaytan il s'enfuit d'une maison d'où est récité surat al-Baqara, c'est-à-dire s'il y a une maison dans laquelle on récite al-Baqara, le shaytan il s'enfuit de cette maison. Et bien entendu, c'est pas uniquement de le réciter, mais également de l'appliquer et de suivre ses règles et ses prescriptions. C'est-à-dire, si tu fais juste réciter la sourate dans la maison, hein, sans l'appliquer, sans suivre les règles de l'islam, bien entendu, yani, le shaitan peut trouver d'autres moyens peut-être pour approcher. Et le hadith est mentionné par l'imam Muslim et il est apporté selon Abu Huraira dans Kitab Salat al-Musafirin, dans le chapitre de la prière des voyageurs. Après le cheikh il dit: وَمَعْنَ تَعَلُّمِهَا وَأَخْذِهَا تَعَلُّمُ قِرَاءَتِهَا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ وَمَعْرِفَةُ مَعَانِيهَا وَتَفْسِيرِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ الْقِرَاءَةِ أَوْ تَعَلُّمَ الْقِرَاءَةِ فَقَطْ. إنما المراد تعلم قراءتها وتعلم معانيها حتى يعمل بها. ولهذا يقول أحد الصحابة: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها والعمل بها. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. Donc le cheikh il dit que de l'apprendre et de l'apprendre, c'est pas uniquement d'apprendre comment le réciter de la bonne façon, c'est pas seulement d'apprendre à la réciter comme je disais tout à l'heure, mais c'est de l'apprendre à le réciter comme il faut et d'apprendre sa signification et son tafsir. C'est pas juste d'apprendre à le lire et de la mémoriser ou d'apprendre uniquement la récitation comme le cheikh explique, yani. Et donc, il faut apprendre sa récitation et apprendre également sa signification dans le but de l'appliquer et d'agir en conséquence. Le cheikh, il dit, et c'est pour ça qu'un des sahaba, il disait: on ne dépassait jamais 10 ayats, hein, on ne dépassait jamais plus que 10 versets jusqu'à ce qu'on ait appris toutes ces significations et qu'on ait appris tout ce que ça impliquait d'action et d'application dans nos vies. Donc, le sahab dit, on apprenait la science ou la connaissance de cette sourate, de ces versets, puis l'application en même temps. Donc, c'est pas juste de dire on apprend à réciter comme on fait aujourd'hui la plupart du temps dans les écoles de tahfiz al-Qur'an, Hein, les gens, les enfants, ils s'assoient, puis les gens, ils s'assoient, puis ils commencent à apprendre à mémoriser seulement. Et donc, ils mémorisent, mais ils n'apprennent pas en même temps l'application et le tafsir. Alors que les sahaba, eux, ils prenaient leur temps. Et certains d'entre les sahaba, ils prenaient 3-4 ans pour apprendre al-Baqarah. Parce qu'ils n'apprenaient pas seulement dedans, comme je disais, de le mémoriser ou d'apprendre comment le réciter selon le tajwid et tout ça, mais ils apprenaient en même temps la compréhension, le tafsir, pourquoi il a été révélé, toutes les choses qui sont reliées à la compréhension de ce verset-là. Et le cheikh dit « هذا هو المقصود من تعلم البقرة وغيرها من القرآن تعلم القراءة على الوجه الصحيح وتعلم المعاني والتفسير بقصد العمل والامتثال. » Donc le cheikh dit c'est ça le but d'apprendre al-Baqarah et d'autres sourates également dans le Coran. C'est d'apprendre la récitation d'une façon qui est correcte, en accord avec les règles, et d'apprendre également la signification et l'interprétation de ces versets-là, et dans le but de l'appliquer et de se soumettre et de suivre l'exemple de ce qui est enseigné dans ces versets-là. Et l'exemple qu'on a mentionné de la parole d'un des sahaba, c'est rapporté en fait par un grand groupe de différents sahabis, et c'est rapporté selon Abu Abdurrahman al-Sulami. Et c'est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir. D'accord? Et après le cheikh, il commence à expliquer, il dit « قَوْلُهُ تَعَلَى أَلِفْ لَمْ مِمْ افْتَتَحَ اللَّهُ هَذِهِ السُّورَةَ بِقَوْلِهِ أَلِفْ لَمْ مِمْ وَهُوَ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ افتتح الله بها كثيرا من الصور ومن هذه الحروف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء حاميم كف هاء يا عين صاد طه ياسين قاف صاد حاميم عين سين قاف. Donc tous ces noms là, comme le cheikh il dit, que c'est des lettres par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a débuté certaines des sourates, des versets, des chapitres dans le Coran. Et le cheikh il dit que ce sont des lettres qui sont coupées, al-huruf al-muqatta'a, et il explique qu'il y en a plusieurs versets qui sont commencés par différentes lettres de ce genre, et il les a mentionnées. Ensuite, le cheikh il dit وقد اختلف العلماء فيها على أقوال نقتفي منها بقولين القول الأول ذهب الجمهور إلى أنها تمر كما جاءت لأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه فلا يبحث عنها لأنه لا دليل على البحث فيها وتعيين المراد منها. Donc, le cheikh, il dit que les ulama ont divergé sur ces lettres-là, c'est-à-dire ils sont divergés, ils ont pris différentes opinions, où il y a eu différentes divergences au sujet de l'interprétation ou de la signification de ces lettres. Et le cheikh, il dit qu'on va se limiter à mentionner uniquement deux d'entre ces explications-là. La première, le cheikh dit al-qawl al-awwal, c'est la position de la majorité d'entre les ulama. Ils disent que la position au sujet de ces lettres-là, c'est-à-dire qu'on doit ils disent qu'il faut les laisser telles qu'elles sont. Hein, on les laisse telles qu'elles sont venues, sans essayer de comprendre ou de les interpréter. Hein, comme certains parmi les soufis qui essaient de donner une interprétation mystique de ces sourates. D'accord? Et ça, c'est des gens, bien entendu, qui sont dans la déviation. Et ils se basent sur un de leurs principes qu'ils appellent al-kashf. Hein? Ils croient que, par exemple, ils ont des révélations directes venant de Dieu. Ou bien, yani, qu'ils ont des rêves dans lesquels ils voient parfois un prophète ou des choses de ce genre. Ou bien qu'ils rencontrent Al-Khidr. Hein, ils croient qu'ils peuvent rencontrer Khidr. Ou bien ils croient qu'ils peuvent également, yani, aller monter voir dans Al-Lawh Al-Mahfouz qu'est-ce qui est écrit, des choses cachées. Donc ça c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là, qui n'est pas fondé sur aucune preuve, ni du Coran ni de la Sunna. Donc ces gens-là, ils ont dépassé la limite au sujet de la révélation d'Allah. C'est pour ça qu'ils sont déviés. Donc le cheikh il dit que ça fait partie, ces lettres-là, selon la position de cette, selon cette première position-là, c'est que ça fait partie de la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardée pour lui. Et donc il ne faut pas essayer de rechercher à trouver une interprétation ou une signification à ces lettres, parce qu'il n'y a pas de preuve, hein. Et donc c'est inutile de chercher à trouver une interprétation ou une signification au sujet de ces choses-là. Deuxièmement, le cheikh dit القول الثاني إن هذه الحروف إشارة إلى إعجاز القرآن وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب أو أنزل هذا القرآن مكونا من حروف من هذه الحروف التي ينطق أو ينطق بها العرب ويخاطبون بها، ومع هذا لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو مثل سورة أو آية منه، فهذا إشارة إلى الإعجاز. Donc le cheikh il dit que la deuxième position, c'est que ces lettres-là sont pour montrer en réalité le miracle du Coran. Et donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce Coran qui est composé de ces lettres, hein, que les Arabes utilisent pour parler et yani pour s'adresser les uns envers les autres. Donc malgré le fait que par exemple ils utilisent ces lettres là, c'est des simples lettres, alif lam mim etc. Donc toutes ces lettres là, c'est avec ça que le Coran est composé, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on sait, il leur a fait une, comment on dit en français, un défi. Il leur a lancé un défi aux Arabes de venir et d'amener un verset pareil, s'ils sont capables, composé de ces lettres-là, hein, et ils sont pas capables. Comme le cheikh il dit, ils sont pas capables de venir avec un Coran semblable, ou même une sourate pareille, ou même une ayah pareille. Donc ça montre que c'est un miracle. Le cheikh dit ولهذا في الغالب إذا جاءت هذه الصور أو هذه الحروف إذا جاءت هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن كما في هذه السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقوله في أول الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه وقوله قاف والقرآن المجيد وقوله صاف والقرآن ذي الذكر وقوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب إلى غير ذلك هذا يدل على الإعجاز وهو أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف ومع هذا عجزتم عن الاتيان بمثله أو بمثل سورة منه وهذا القول وجيه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. Donc le cheikh il dit que en général, lorsque on trouve ces lettres dans le Coran, on trouve que juste après Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le Coran, il parle du Coran, hein. Donc c'est comme par exemple dans Surah Al-Baqarah, lorsqu'on lit par exemple Alif Lam Mim, tout de suite après Allah il parle du Coran, il dit ذَلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, c'est-à-dire ce livre, hein, il n'y a aucun doute à son sujet, c'est un guide pour les pieux. Et dans Surah Al-A'raf par exemple, au tout début, on voit des lettres également comme Alif Lam Mim Sad, et juste après Allah dit Kitabun Unzila Ilayka, hein, un livre qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fala yakun fi sadrika harajun minhu, hein, faut pas qu'il y ait dans ton cœur au sujet de cette révélation là aucune difficulté à l'accepter, parce que c'est la vérité et il ne faut pas qu'il y ait de doute etc. dans ton cœur à son sujet. وقوله قاف Par exemple, dans Surat Qaf, Allah commence en disant « Wal Qur'an il Majid ». Encore là, c'est à propos du Qur'an. Et quand il dit « Sad », par exemple dans Surat Sad, « Wal Qur'an il Vizikr ». Encore une fois, ça mentionne le Qur'an. Quand, dans un autre exemple aussi, « Alif Lam Mim Tanzilul Kitab hein? ». Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, c'est-à-dire le livre est révélé, donc est descendu, etc. Donc ça c'est quelques exemples, juste pour vous montrer en réalité que chaque fois, comme le cheikh dit en général, hein, il y a peut-être quelques exceptions, mais en grande partie, quand ces lettres-là sont arrivent, c'est pour parler du Coran. Donc c'est, comme le cheikh il dit, ça montre qu'en réalité c'est pour défier, hein, c'est pour montrer un défi pour les koufars, vous montrer que vous êtes incapables, même avec ces lettres-là, qui sont des lettres que tout le monde connaît et que tout le monde utilise, vous êtes incapables de, yani, de venir avec quelque chose qui est pareil, et de rassembler ces lettres-là de façon à amener quelque chose qui est comparable ou qui est équivalent avec ce Coran. Et ça, c'est un, le cheikh dit que ça, c'est une bonne position. Hein, parmi la, les positions des ulama qui sont mentionnées par des positions qui sont mentionnées par les ulama, et ça, ça a été rapporté et expliqué également par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres également. Après, le Cheikh il continue à expliquer, il dit wa qawluhu ta'ala dhalika al-kitab dha ismu ishara wal lam lil bu'd wal kaf harfu khitab ishara aw ashara ila al-kitab alladhi huwa al-Qur'an إشارة تعظيم وإجلال أي الذي لا يشابهه غيره فهو أعظم كتاب نزل من الله سبحانه وتعالى. Donc Allah le Cheikh il explique que ذلك, dans le mot ذلك, le ذال avec l'alif, ذا c'est un c'est comme pour c'est comme un pronom, un adjectif démonstratif, si je me trompe pas en français, yani. Ma grammaire française est un peu loin. Wallam lil bu'd, hein. Le lam, c'est pour montrer quelque chose qui est éloigné. D'accord? Et al-kaf, c'est harfu khitab. C'est, comment on dit, quand le pronom à qui, la personne, pour montrer la personne à qui tu t'adresses, hein. Kaf, c'est-à-dire la personne à qui tu t'adresses, c'est-à-dire ou la chose que tu désignes, hein, la chose que tu désignes, comme là dans ce cas-là c'est le livre. Zalika ou zalikum, des fois on peut dire zalika, zalikum, c'est la personne à qui tu t'adresses. Oui, c'est ça. Donc zalika al-kitab ashara ila al-kitab alladhi huwa al-Qur'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il démontre qu'il parle du livre et il parle du Qur'an. Et donc, c'est pour montrer le respect et l'exaltation de ce livre, hein, pour montrer le respect qui est dû à ce livre. Et c'est-à-dire que c'est un livre, il n'y en a aucun autre qui lui ressemble. Et c'est parmi les plus grands livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler, ou qui ont été révélés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il dit, « ثم قال, لا ريب فيه, نفع عنه الريب, والريب الشك. » فلا يتطرق إليه شك ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Donc le cheikh il dit que la raiba fi, ça veut dire que c'est une négation du doute, hein, parce que dans l'arabe, dans la langue arabe, al-raib c'est le doute, al-shak. Et donc il ne faut pas qu'il y ait dans ton cœur aucun doute à son sujet, parce que la fausseté ne peut pas l'atteindre ni par devant ni par derrière, comme c'est écrit dans un verset dans le Coran. Et après le cheikh il a mentionné le verset dans Surat An-Nisa, si c'était un livre qui venait d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient trouvé dedans plein de contradictions. Donc le fait qu'il y ait une harmonie et qu'il y ait un accord du début à la fin dans ce livre et qu'il n'y ait pas de contradiction dedans, c'est une preuve que c'est un livre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et non d'un être humain. D'accord? Et donc on doit être convaincu de ce livre et on n'a pas le droit d'avoir un doute. Et le doute est équivalent à la mécréance. Hein? Le doute est équivalent à la mécréance. Donc il faut être convaincu de ce livre. Et après le cheikh dit wa qawluhu ta'ala hutan lil muttaqin, c'est une guidance pour les pieux, pour ceux qui ont at-taqwa. Cheikh dit hadhihi sifatun thaniya lil Qur'an wal huda ma'nahu ad-dilala wal irshad ila at-tariq as-sawab ila at-tariq as-sawab. فالقرآن فيه دلالة وإرشاد إلى طريق الحق وطريق الجنة والهدى كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين هدى دلالة وإرشاد وهدى توفيق وإلهام أو هداية القلوب فهذا القرآن هدى للمتقين. Donc le cheikh dit que ça c'est la deuxième description à propos du Coran, que c'est une guidance, hein? Et c'est comme le cheikh il l'a déjà expliqué dans le tafsir de Al-Fatiha, il dit que c'est une guidance vers le droit chemin. Donc le Coran il nous montre, il nous oriente, il nous guide vers la vérité, et c'est le chemin vers le paradis. Et la guidance, il y a deux catégories de guidance, comme on avait mentionné déjà quand on a expliqué le tafsir dans Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous vers le droit chemin dans Surat al-Fatiha. On avait mentionné qu'il y a deux formes de guidance. Une guidance qui est le fait d'orienter et de montrer aux gens le droit chemin, et une autre guidance qui est, c'est-à-dire de guider les cœurs et de donner à quelqu'un, de le faire suivre la vérité. Et ça, il y en a une qui peut être faite, il y en a la guidance d'orientation. Hein, et de montrer aux gens la vérité et le droit chemin. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit faire. Tout le monde qui connaît la vérité, qui peut montrer aux gens le droit chemin. Hein, le prophète et ceux qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tandis que l'autre aspect de la guidance, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran comme étant une guidance pour les pieux. Hein, al-muttaqun. Et le cheikh il dit wal-muttaqun jam'u muttaqin wa huwa man ittasafa bit-taqwa wat-taqwa an taj'al baynaka wa bayna ghadabillahi wa 'adhabihi wiqayatan tuqika minhu wa dhalika bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alayhi wa sallam fal-murad bil-muttaqin الذين اتخذوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que al-muttaqun c'est le pluriel de muttaqin, hein? Ça vient de taqwa. Et le cheikh il dit que c'est la personne qui est décrit ou qui possède l'attribut de at-taqwa. Et at-taqwa, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu mets entre toi et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son châtiment une protection. Tu mets entre toi et le châtiment d'Allah et la colère d'Allah une protection ou quelque chose qui va te protéger. Et c'est-à-dire exactement l'obéissance d'Allah et l'obéissance de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par al-muttaqun ou al-muttaqin? Le cheikh il dit que on veut dire de prendre entre nous et le châtiment d'Allah une protection en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh il dit après وعرف العلماء التقوى بأنها أن تفعل ما أمرك الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخاف من عقاب الله وهذه هي التقوى حاصلها أن تجعل بينك وبين المكروه وقاية بحيث لا يصل إليك فإن لم تحصل لك هذه الوقاية فإن لا شك متوعد بالعذاب. Donc le cheikh il dit que les ulama ont défini التقوى comme étant quelque chose que tu fais, hein, ou de faire ce qu'Allah t'a ordonné selon une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant la récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'abandonner ce qu'Allah t'a interdit, hein, en te basant sur une lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en craignant ou en craignant yani, ou en ayant peur de son châtiment. Donc voilà la signification de at-taqwa. Et souvent on traduit dans le, même dans la traduction du Coran en français, ils ont traduit le mot taqwa par la crainte, c'est-à-dire taqwa, c'est-à-dire craignez Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité c'est un petit peu plus détaillé ou plus compliqué que ça, c'est-à-dire comme on a expliqué maintenant, c'est pas uniquement de craindre, mais c'est de prendre une protection et de s'éloigner de ce qui nous amène son châtiment. Et le cheikh il dit que il faut que tu prennes entre toi et ce que tu détestes une protection dans le but que le mal ne t'atteigne pas, yani. Et donc si t'as pas cette protection là, eh ben c'est sûr que tu es menacé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis même dans la dunya, on a tous par instinct, même les animaux, yani, ils ont tous cet instinct de vouloir se protéger contre qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est mal pour eux. Quand il fait très très très chaud l'été, hein, les gens ont tout de suite instinctivement, sans même avoir besoin de réfléchir, ils savent qu'il faut qu'ils se protègent de la chaleur, hein, par exemple en allant dans un endroit qui est moins chaud, comme par exemple sous l'air climatisé ou bien en dessous d'un arbre où il y a de l'ombre et du vent, hein, pour se rafraîchir, ou rester à l'intérieur même, ou boire de l'eau, ou prendre une douche froide, ou quelque chose de ce genre. Donc, les êtres humains, instinctivement, ils cherchent toujours à se protéger contre quelque chose qui peut leur amener du mal. La même chose en hiver, quand il fait très très froid, surtout ici au Canada, et quand ça descend à moins 40, on voit qu'il faut absolument prendre une protection contre ce froid-là, soit en restant à la maison avec le chauffage, ou bien en mettant un gros manteau chaud yani, pour se protéger contre le froid lorsqu'on sort, et avec des grosses bottes, hein, et toutes sortes de gros vêtements en laine ou en d'autres matières pour se protéger contre le froid. Donc si on fait ça dans la dunya et qu'on est capable de comprendre rationnellement qu'il faut se protéger contre ces choses-là, donc si on est mu'min, hein, si on croit en al-ghayb et en al-akhirah, donc automatiquement on va prendre une protection contre qu'est-ce qui va venir après dans l'akhirah. Le cheikh il dit ensuite: ولماذا خص المتقين بالذكر مع انه هدايه لجميع الناس كما قال في اثناء هذه السوره شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس اي لجميع الناس بمعنى أنه دل الناس على الخير، فمن أراد الخير وجده، ومن أعرض قامت عليه الحجة، لأن الله هدى جميع الناس بمعنى أنه بين لهم ودلهم وأرشدهم، فمنهم من انتفع ومنهم من لم ينتفع. Donc le cheikh il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié que c'est un guide pour les muttaqin, alors qu'en réalité il l'a guidé tout le monde et que c'est une guidance pour tous les hommes, comme il dit par exemple dans cette sourate, dans sourate al-Baqarah, le verset 185, il dit le mois du Ramadan dans lequel on a fait descendre le Coran, qui est une guidance pour les hommes, hein, c'est-à-dire une guidance pour tous les hommes. C'est-à-dire que, hein, comme le cheikh il dit, que c'est, ça montre à tout le monde, tous les hommes, ça leur montre le bien. Hein. Donc celui qui veut trouver le bien, il peut le trouver. Et celui qui s'en détourne, alors la preuve a été établie contre lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, dans ce sens-là, tous les hommes. Dans le sens qu'il leur a montré, il les a orientés, il leur a expliqué et clarifié. Hein, donc il y en a parmi les hommes qui ont profité de cette guidance et de cette orientation, il y en a d'autres qui n'en ont pas profité. Après le cheikh il donne la réponse en disant wal jawab annahu innama khassa al muttaqina li'annahum hum alladhina intafa'u bihi wa ihtadaw bihi amma ghayruhum fa innama qamat 'alayhim al hujja wa inqata'at ma'ziratuhum حيث لم يبق لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que la réponse à cette question c'est que Allah il a spécifié dans cette ayah que c'est les muttaqin qui sont guidés parce que c'est seulement eux en réalité qui profitent et qui se laissent guider par ce Coran. C'est seulement eux en réalité qui profitent, c'est-à-dire ceux qui ont le taqwa. Ceux qui n'ont pas le taqwa, eh bien en réalité, ils n'en profitent pas, puisque c'est une preuve contre eux. Le Coran sera une preuve contre eux, hein, comme le cheikh y explique. Et donc leur excuse sera coupée, ils n'auront plus d'excuses au jugement dernier. Lorsqu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout avait été déjà clarifié. Non. Après, le cheikh il commence à expliquer maintenant les catégories de personnes par rapport à la guidance au Coran, hein, la guidance du Coran. Donc il y a trois catégories de personnes vis-à-vis de la guidance du Coran, et c'est ça que le cheikh il va expliquer. Aqsamun nas amama hidayat al-Quran. ثم لما ذكر أن هذا القرآن هدى قسم الناس أمام هداية القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وامتثلوا أحكامه أمرا ونهيا، والقسم الثاني الذين كفروا به ظاهرا وباطنا، والقسم الثالث الذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا. Donc le cheikh il explique de façon résumée maintenant quelles sont ces trois catégories, puis il va détailler chacune d'entre elles, hein, avec les explications et les détails et les preuves dans ce qui va suivre. La première catégorie, c'est ceux qui ont cru au Coran intérieurement et extérieurement et qui ont mis en application ces règles, que ce soit des ordres ou des interdictions. Ça c'est la première catégorie, ce sont les mu'minoun, les croyants. Al-qism al-thani, ceux qui ont mécru, hein, al-lazina kafaru bihi, ceux qui ont rejeté le Coran intérieurement et extérieurement, d'accord, ils n'y ont pas cru dans leur cœur et ils ne l'ont pas appliqué, hein, ni dans leurs actions, etc. Ça c'est les kuffars. Et la troisième catégorie, le cheikh il mentionne, il dit ce sont ceux qui ont cru extérieurement mais qui ont rejeté la foi dans leur cœur ou intérieurement. Donc ça c'est la troisième catégorie et c'est les hypocrites, al-munafiqoun. Donc le cheikh il explique la première catégorie, il dit al-qismul-awwal. Donc pourquoi le cheikh il explique ça, c'est parce que justement dans sourate al-Baqara il y a trois descriptions au tout début, hein, et c'est les trois descriptions des trois catégories qu'on vient juste d'expliquer. Donc il commence par expliquer les versets qui ont expliqué premièrement qu'est-ce qu'on décrit comme étant les croyants, al-muttaqoun, ceux qui ont at-taqwa. Donc la première catégorie c'est al-muttaqoun, les gens qui ont at-taqwa. Le cheikh il dit ذكر الله فيهم ثلاث آيات وهي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il dit هذه ثلاث آيات تتضمن خمس صفات لهؤلاء. Donc le cheikh il dit que les premiers c'est les pieux, et il y a trois versets dans le début de sourate al-Baqara qui décrit les mu'minoun ou les al-muttaqoun, les ceux qui ont la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois versets là sont ceux qu'on a mentionnés, c'est-à-dire ceux qui croient en al-ghayb et qui établissent la salat et qui donnent de ce qu'on leur a et qui donnent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme risque, hein. Et ceux qui ont cru en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont fait descendre et ce que Allah a fait descendre avant lui, c'est-à-dire les autres livres qui ont été révélés précédemment, wa bil akhirati hum yuqinun, et qui croient en l'akhira de façon certaine. Ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Donc ce sont trois versets qui comprennent cinq sifat, cinq attributs pour ceux qui ont at-taqwa, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. La première, as-sifatul ula, yu'minuna bil-ghayb, ay yusaddiquna bima akhbara Allah aw akhbara rasuluhu anhu min al-ghuyub allati lam yarawha, وإنما صدقوا بها اعتمادا على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. La première description, c'est qu'ils croient en al-ghayb, hein, et qu'ils donnent, c'est-à-dire ils affirment leur foi en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et yani ce que le messager également a leur a informé, des choses qui font partie de l'invisible ou de l'inconnu, qu'ils n'ont jamais vu avec leurs yeux. C'est-à-dire, ils disent, oui, ça c'est la vérité lorsqu'ils l'entendent. Hein. Saddaqou biha, ils ont cru en ces choses-là en se basant sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit de ces choses-là. Et le cheikh dit, wal ghaib, kullu ma ghaba anil nas, wa lam yushahidu min al umur al madiya wal umur al mustaqbala. ومن العوالم الأخرى التي لم يروها وإنما أخبر الله عنها. Donc le cheikh il dit que al-ghayb c'est quoi? C'est tout ce qui est caché des hommes, et yani tout ce que les gens n'ont pas vu ou n'ont pas, tout ce que sur quoi ils n'ont pas été témoins à son sujet. Parmi les choses du passé, hein, par exemple s'il y a des choses dans le passé qui se sont produites, et qu'on n'était pas, témoin de ça, et que ça n'a pas été préservé par écrit, on n'a pas aucun témoignage de ces choses-là, donc ça fait partie du ghaib, hein. Et les choses de l'avenir également, puisque l'avenir est encore plus caché de nous que le passé, hein, parce que c'est pas encore arrivé. Également des autres, des choses qui font partie des autres mondes que personne n'a jamais vu, hein. Et c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ces choses-là, et qui nous, et donc, yani, comme le cheikh il dit, c'est des choses qui font partie du rêve parce que Allah nous en a pas parlé. Et s'il nous en a parlé, eh ben, même s'il nous en a parlé, on en connaît uniquement, selon la limite de qu'est-ce qu'il nous en a parlé, et on peut même pas, yani, aller plus en détail ou connaître plus de choses par rapport à ces choses-là, excepté ce qui vient d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. إلى الشيخ ذي وأول الإيمان بالغيب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وذلك لأن المؤمنين لم يروا ربهم في هذه الدنيا وإنما آمنوا به وعرفوه بآياته الكونية وهي مخلوقاته التي تشاهد في هذا الكون دالة على وجوده وعظمته وبآياته القرآنية المتلوة في كتابه المنزل وقبل ذلك عرفوه بالفطرة السليمة التي فطر الناس عليها والله تعالى هو الدليل على كل شيء ولا يحتاج إلى دليل على إثباته إلا من فسدت فطرته واجتالته الشياطين. Donc le cheikh il dit que parmi les premières choses qui font partie de la foi en al-ghayb, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et ses attributs. Parce que, hein, le cheikh dit, parce que les croyants n'ont pas vu Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya. Ils ont uniquement cru en ce qu'ils, ils ont uniquement cru et ils ont reconnu ces signes, hein, ces signes qu'il a créés dans la création et dans l'univers. C'est-à-dire ces créatures, ces créations qu'on est capable de témoigner, on en est témoin. Et ces créations-là qu'il a fait dans le monde et dans l'univers, ça témoigne de son existence et de sa grandeur. Hein? Et également, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala par ses signes et ses versets qu'il a révélés dans le Coran et qu'on peut réciter. Il y en a de son livre qui est révélé. Et également, on peut le connaître avant ça, avant tout, par Al-Fitra, qui est salima, comme le cheikh il dit, c'est-à-dire notre nature qui est propre, qui n'a pas été déformée ou travestie par toutes sortes d'idées ou toutes sortes de conceptions contraires à la nature de l'être humain lorsqu'il est en contact avec des idées étrangères. Donc le cheikh il dit, premièrement, la fitra, ça c'est une des plus grandes preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est tellement profond dans l'être humain que lorsque tu parles avec quelqu'un et que tu lui dis des choses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est comme si au fond de son âme il sait qu'il y a un Dieu qui existe, et il le sent, il le ressent au fond de son cœur, au fond de son âme, parce que ça fait partie de sa fitra. Hein? Et donc on n'a pas vraiment besoin d'avoir toutes sortes de preuves rationnelles pour montrer l'existence de Dieu, parce que son existence est connue de tous. Hein? C'est pas quelque chose que lorsque tu parles avec quelqu'un, tu lui dis Dieu existe, c'est pas quelque chose que tu as besoin de lui expliquer en détail plus que ça, parce que au fond de son cœur, lorsque tu lui dis ça, qu'il y a un créateur et un être suprême qui a fait ce monde, c'est comme si au fond de lui-même il comprend automatiquement qu'est-ce que ça signifie, et il sent automatiquement au fond de son cœur que c'est vrai. Même si, comme le cheikh il dit, que plus tard qu'est-ce qu'il dit, que c'est ceux qui ont rejeté ça, c'est uniquement par orgueil. Donc le cheikh il dit que ça, c'est les gens qui n'ont pas compris ça, qui comprennent pas ça, c'est parce que leur fitra a été corrompu par les shayatins. Soit les shayatins parmi les djinns ou parmi les êtres humains. Ok, après il dit wa min al-iman bil ghayb al-iman bil malaika wa hum al makhluqat allati yu'minu biha al-'abd wa lam yushahidha. Le cheikh il dit qu'il faut croire en les anges également, ça fait partie du ghayb, de l'invisible, et ce sont des créatures qu'on doit reconnaître et auxquelles on doit croire, parce que Allah nous en a parlé, il nous a informé, il nous a dit qu'ils existaient, même si on ne les a pas vus. On doit y croire. كذلك الإيمان بالجن العالم الثاني مع الإنس فيؤمن بهم العبد وإن لم يراهم لأن الله أخبر عنهم وأخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que également il faut croire aux djinns. C'est le deuxième monde qui est après le monde des hommes. Et il faut croire en eux, même si on les a pas vus, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé, il nous a parlé d'eux, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, son messager. Le cheikh il dit ensuite وكذلك الإيمان بالغيوب الماضية من أخبار الأمم السابقة فالمؤمنون بذلك ما شهدوا آدم ونوحا وإبراهيم والأنبياء وأقوامهم كعاد وثمود ولكن الله أخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون بذلك. Donc le cheikh il dit que également il faut croire en les choses invisibles qui ont rapport avec qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Parmi les informations que Allah nous a données dans le Coran au sujet des nations précédentes. Donc il faut croire en ça, même si on n'a pas été témoin de ça physiquement. Comme par exemple l'exemple de Adam, de Nuh, de Ibrahim et des autres prophètes et de leur peuple, comme Ad et Thamoud. Et même si on n'était pas là pour voir qu'est-ce qui est arrivé, mais Allah nous en a parlé, il a révélé ça à son messager, et donc les croyants doivent croire en ça. وكذلك الغيوب المستقبلة في آخر الزمان مما يكون قبل الساعة من الأشرات والعلامات وعذاب القبر ونعيمه وما في الآخرة من البعث والحساب والصراط والميزان والحوض والجنة والنار والحشر فيؤمنون به ويصدقون لأن الله جل وعلا أخبر به وأخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh dit également les choses de l'invisible qui ont rapport avec l'avenir, qui vont se produire vers la fin des temps. Parmi les choses qui vont se produire avant avant l'heure dernière, comme par exemple les signes de la fin des temps. Hein, et par exemple également de croire au châtiment de la tombe ainsi que de ses délices et de croire en Al-Akhira, qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà, par exemple le fait qu'on va être ressuscité et qu'il y aura un jugement et qu'il y aura un sirat, on aura à traverser un pont qui sera au-dessus de l'enfer et qui sera plus fin qu'un cheveu, plus affilé qu'une lame, et il faut croire en Al-Mizan, c'est-à-dire la balance sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va peser nos œuvres. Wal-Hawb, le bassin dont les croyants vont pouvoir boire ce jour-là, et dont la longueur et la largeur est la distance d'un mois, et dont les récipients qu'on utilise pour boire dedans sont plus nombreux que les étoiles dans le ciel, et dont le breuvage est plus blanc que le lait et plus doux que le miel. Et celui qui en boit, il n'aura plus jamais soif. Hein? Et de croire au paradis et à l'enfer et à la résurrection. Donc on croit tous à ces choses-là parce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous en ont parlé. Non. Donc le cheikh il dit فَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ سواء أدركته العقول أدركته عقولهم أم لم تدركه والإيمان بالغيب مبني على التسليم لله لأن الغيوب لا يتوصل إليها بالعقل وإنما طريقها الإخبار. Donc le cheikh il dit que on croit en ça, on croit au ghaib, peu importe qu'on l'ait compris ou qu'on est capable de l'atteindre par notre raison ou non, ou qu'on soit capable de comprendre ces choses qui font partie du raid de façon rationnelle ou non. Parce que de croire en al-raid ou de croire en l'invisible, c'est établi ou c'est fondé sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'information ou la connaissance du raid, on ne peut pas y arriver par la raison. C'est pas possible pour quelqu'un, hein, de yani, c'est pas possible pour quelqu'un d'arriver à connaître comment est Allah subhanahu wa ta'ala, ou yani de connaître des choses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de connaître des choses à propos de l'akhirah, ou de connaître des choses à propos de yani de la de du rêve en se basant sur notre raison et notre yani notre logique. Il faut uniquement se baser sur la révélation, sur qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de ces choses-là. أما الذي لا يؤمن إلا بما يوافق عقله وما يخالف عقله رفضه فهذا ليس بمؤمن. Le cheikh il dit, en ce qui concerne celui qui ne croit qu'à ce que sa raison accepte, et ce qui est contraire à sa raison il le rejette, alors celui-là n'est pas un mu'min, celui-là n'est pas un croyant. Il y a beaucoup de ces gens-là de nos jours. Parmi les groupes, il y en a qui suivent la voie des Mu'tazila aujourd'hui. Hein? Ils suivent la voie des Mu'tazila, ceux qui mettent leur aql devant al-naql. Hein? Ils mettent leur aql, leur raison, au-dessus de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un juge sur la révélation. Et donc ils disent, ce qui est d'accord avec notre raison dans la révélation, on l'accepte. Mais ce qui est en contradiction avec notre raison dans la révélation, on le rejette. Donc, ces gens-là, est-ce qu'ils ont soumis leur raison à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, c'est comme s'ils ont dit, ma raison a précédence sur qu'est-ce qui est dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un égarement. Ça, c'est un grand égarement. Et le cheikh, il mentionne un verset qui dit, وقال تعالى يعني pour décrire l'attitude des kuffars auparavant, hein, c'était exactement ça leur attitude, de rejeter la révélation en prétendant que c'était contraire à la raison. Cheikh dit, قال تعالى عن هؤلاء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Hein? Le cheikh il dit ce verset là dans le Coran qui dit certes ils ont traité de mensonge ceux qui n'avaient pas complètement compris ceux qui n'avaient pas eu comme connaissance, leur connaissance n'avait pas été capable d'envelopper ces choses-là qui font partie du rêve, alors ils l'ont traité de mensonge. Et étant donné que ces choses-là, certaines choses ne sont pas encore établies ou ne sont pas encore produites, donc ils disent non, c'est pas vrai. Comme par exemple le jugement dernier ou des choses de ce genre, ils disent bon, ça, ces choses-là, on va y croire quand on va les voir, quand on va le voir, des choses de ce genre. Il y a beaucoup de gens comme ça. كذلك كذب الذين من قبلهم. C'est de cette façon-là que ceux qui étaient là avant eux ont également traité de mensonge la vérité quand elles leur sont arrivées. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Regarde quelle a été la conclusion de ou la fin de ces injustes-là. Cheikh dit وأعظم منه ظلما وكفرا الذي لا يؤمن بالغيب أصلا ولا يصدق بما إلا بما يرى من المحسوسات فهذا ملحد معطل كافر بالله ورسوله والذي لا يؤمن بالغيب لأن عقله لا يدركه هذا غير مؤمن ولم يسلم لله تعالى ولا لرسوله والعقل له طاقة محدودة وهناك أمور لا يدركها ولا يطيقها وإنما يدرك أو وإنما يدرك بقدر طاقته فقط. Donc le cheikh il dit, ça c'est parmi, et il y a une chose qui est encore plus grave encore dans l'injustice, dans la mécréance, celui qui ne croit pas au rêve du tout. Il croit uniquement à ce qui peut être connu par ses cinq sens. Donc celui-là c'est un mulhid, mu'attil, c'est quelqu'un qui a renié, qui est un mulhid et un mu'attil, il rejette la foi à Allah subhanahu wa ta'ala et il nie Allah subhanahu wa ta'ala et al-ghayb. Donc c'est un kafir, il ne croit pas en Allah ni en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne croit pas au ghayb parce que sa raison n'est pas capable de le comprendre ou de l'accepter, alors lui il n'est pas croyant parce qu'il ne s'est pas soumis à Allah et à son messager. Et la raison, elle est limitée. La raison de l'être humain, elle est limitée. Et il y a beaucoup de choses que la raison de l'être humain n'est pas capable de comprendre, et ne sera jamais capable de comprendre, parce qu'elle est limitée. Et donc, l'être humain est uniquement capable de connaître des choses selon la capacité qu'elle a à comprendre. D'accord ? Donc, yani, subhanallah, il y a plein de choses, même l'être humain, il ne se connaît même pas lui-même, son âme, comment son âme fonctionne et des choses de ce genre, on n'est pas capable de le comprendre. Donc, juste un instant. Et il y a des gens d'aujourd'hui, comme par exemple, Al-Aqlaniyoun, ce qu'on appelle Al-Aqlaniyoun, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'eux, ce sont des gens qui suivent la méthodologie des Mu'tazila, qui basent leur connaissance de la religion sur leur soi-disant raison. Ils appellent les musulmans à ça. Et qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De réinterpréter l'islam d'une façon soi-disant moderne. Pour essayer de plaire à des gens, soit des kuffars, soit des munafiqines. Donc ils essaient de réinterpréter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur leur soi-disant raison. Et comme vous savez, la raison d'une personne est différente de la raison de l'autre. Chaque personne a une raison. Donc ils suivent leur passion en réalité. Puis au lieu de vouloir admettre que c'est leur passion qu'ils suivent, ils donnent à leur passion le nom de raison. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils enseignent, c'est tout à fait opposé à la raison. Parce que la raison qui t'a amené à accepter la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu, cette raison-là qui t'a amené à reconnaître que Allah est là et qu'il a révélé le Coran et que le messager est un messager véridique, hein, celui qui cette raison qui t'a amené à reconnaître ça, hein, et qui t'a amené à te soumettre à la révélation, eh ben, elle doit t'amener à reconnaître que tu dois suivre et accepter tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si par la suite tu dis oui, j'ai reconnu la base, j'ai reconnu le message, mais par la suite tu commences à choisir ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, et à rejeter ce qui te fait pas plaisir, et à accepter ce qui te fait plaisir seulement, donc ça c'est une contradiction, c'est une chose qui est totalement en contradiction avec la soi-disant raison que tu prétends. Parce que tu acceptes une partie en te basant sur la raison, et tu rejettes l'autre partie en te basant sur la même raison. Et ça, c'est une contradiction. D'accord? Parce que si tu as accepté la base, tu dois accepter tout ce qui vient avec. Si tu veux être en harmonie, ou si tu veux pas être en contradiction avec toi-même. Donc, ceux qu'on appelle al-aqlaniyoun aujourd'hui, eh bien, ils sont en train de faire la fitna actuellement dans le monde musulman. Et leurs livres et leurs paroles sont répandus partout. Hein. Et on peut compter parmi eux, yani, toutes sortes de du'at, soi-disant des gens qui font des du'at, du da'wah aujourd'hui. On compte parmi eux, yani, Muhammad al-Ghazali, celui qui est décédé dernièrement, qui faisait partie des Aqlaniyoun. Et Yusuf al-Qardawi fait certainement partie d'eux. Également Amr Khalid, hein, et toute cette mouvance comme Tariq Souaydan, qui interprète le Coran selon leur aql et qui rejette tout ce qui a été ramené par les salaf salih. Hein, ils retournent pas au tafsir des ulama et au tafsir des salaf pour comprendre la révélation. Ils se basent uniquement sur qu'est-ce qu'ils comprennent eux aujourd'hui de ça, puis ils essaient de l'interpréter selon qu'est-ce qu'ils comprennent dans leur aql. Même si c'est contraire à l'explication des ulama, des salafs, etc. Donc ça c'est l'égarement. Deuxièmement, as-sifat al-thaniya, parmi les cinq descriptions ou les cinq qualités des muttaqoun, il y a la deuxième, qu'ils yuqimuna as-salah, yani ils établissent la salah. Et le cheikh il dit as-salatu hiya allati hiya ar-rukn ath-thani min arkan al-islam, wa qala wa yuqimuna as-salah wa lam yaqul wa yusallun li'annahu laysa al-maqsud min as-salah suratuha wa innama al-maqsud iqamatuha. Donc le cheikh il dit que deuxièmement, la deuxième caractéristique de ces gens-là, c'est qu'ils établissent la salat. Et c'est le deuxième pilier de l'islam, parmi les piliers de l'islam. Et le cheikh, il dit que Allah a dit yuqimun, ils établissent, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ils font la salat, ils disent ils établissent la salat. Parce que le but, c'est pas seulement de faire qu'est-ce qui est apparent dans la salat, mais qu'est-ce que Allah veut dire, c'est d'établir la salat en entier. Et c'est ça que le cheikh explique maintenant. Il dit wa ma'na iqamatuha al-ityanu biha kama shara'a Allah subhanahu wa ta'ala bi shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha, wa hadhihi iqamatun zahira wa la budda ma'a dhalika min iqamatiha batinan wa dhalika bil khushu'i fiha wa hudur al-qalbi. فإقامة الصلاة نوعان: إقامة ظاهرة وذلك بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وإقامة باطنة وهي حضور القلب وخشوعه فيها، فإن من صلى بدون خشوع ولا حضور قلب فإنه لا يكتب له من الأجر إلا بمقدار ما عقل من صلاته وخشع فيه، ولو أقامها ظاهرا بشروطها وأركانها فإن المعول عليه الإقامتان معا. Donc le cheikh il dit que l'établissement de la salat, c'est de venir avec tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et commandé au sujet de cette salat, ses conditions, ses piliers, ses obligations et ses choses qui sont recommandées. Ça, c'est l'application et l'établissement extérieur ou apparente de la salat. Et il faut également qu'il y ait avec cet établissement-là un établissement intérieur ou un établissement qui est caché, et c'est-à-dire d'avoir al-khushu', c'est-à-dire la concentration et l'humilité, hein, et la présence de cœur lorsqu'on établit la salat. Donc le cheikh dit que la salat, dans son établissement, il y en a deux degrés ou deux sortes d'établissements, deux formes d'iqama pour la salat. L'iqama qui est apparente, c'est de venir avec les conditions et les piliers et les obligations et les choses recommandées qui sont dans la salat, comme dans les gestes, le recours, le qiyam, le recours, le sujoud, etc. Puis les règles et tout ça, les choses qu'on doit réciter et tout ça. Et deuxièmement, iqamatun batina, c'est-à-dire un établissement qui est intérieur, c'est-à-dire d'avoir la présence de cœur, la concentration. Et donc celui qui prie sans concentration et dont le cœur n'est pas présent, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui écrit pas la récompense, excepté pour la quantité ou pour la portion de la prière qu'il a compris lorsqu'il a fait sa prière. Hein, s'il a prié dans sa prière puis que durant toute sa prière il a été absent et son cœur n'était pas présent, eh bien toute cette absence là qu'il a fait, il n'aura pas de récompense pour. Il aura uniquement la récompense pour la portion de sa prière où il a vraiment été concentré et qu'il a vraiment compris de sa prière. Et ça a été rapporté également par Ibn Abbas radiallahu anhu. Donc le cheikh dit que même si la personne a établi sa prière avec toutes ses règles et ses conditions et ses piliers, hein, ça compte pas tant qu'il n'a pas établi les deux iqama, intérieur et extérieur ensemble. Et pour terminer, je vais juste mentionner l'exemple du hadith de la personne qui priait mal, hein. Hadith al-Musi li salati ou fi salati. C'est un homme qui était rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et l'homme est rentré, il a dit assalamu alaykum et il a fait deux raka'a. Après il est venu et il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: lève-toi et reprie encore parce que tu n'as pas prié. Alors l'homme s'est relevé, il a encore fait deux raka'a comme il les a fait la première fois. Et puis il a terminé, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: lève-toi et prie encore parce que tu n'as pas prié. Il s'est assis, il a encore fait la même chose. Il est revenu s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir terminé de faire ses deux raka'a encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: lève-toi et prie parce que tu n'as pas prié. Il a prié encore une fois, il est revenu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit encore: lève-toi et prie parce que tu n'as pas prié. Il a dit: ya Rasulullah, ce que j'ai fait là, c'est tout ce que je sais. Mais je ne connais pas d'autre chose. Donc, apprends-moi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué comment faire sa prière, hein, et de prendre le temps de faire chaque geste et chaque mouvement et de réciter comme il faut. Hein, et entre chaque mouvement, de prendre une pause. Hein, comme quand tu fais le recours, tu restes incliné dans ton recours jusqu'à ce que tu te sens en paix dans ton recours. Et tu te relèves et tu restes debout. Hatta tatma'inna qa'ima. Tu restes debout comme ça jusqu'à ce que tu te sens en paix et tu récites le dhikr que tu dois réciter et tu te reprosternes. Tu te prosternes ensuite et tu restes prosterné et tu t'assois et tu restes assis encore un peu jusqu'à ce que ton dos soit bien en place et tout. Tu prends ton temps pour bien te concentrer sur qu'est-ce que tu dis, etc. Ça, c'est la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Tandis que il y a des imams ici même à Montréal et peut-être ailleurs aussi, puis il y a d'autres musulmans qui prient la prière de cet homme qui priait mal. Ils prient comme si c'est une course. Subhanallah, ils prennent même pas deux secondes pour réfléchir. Et il y a une mosquée à Montréal où il y a un imam comme ça. Hein? Il prie tellement vite, les enfants s'amusent à le chronométrer dans sa prière. Et quand il a fini sa prière, ils disent: bon, aujourd'hui, il a battu son record. 2 minutes 30. Hein, subhanallah. Donc, ces enfants-là, ils s'amusent à le chronométrer. Si tu rentres dans cette mosquée, et que l'imam fait l'iqama, le muazzin fait l'iqama, et tu vas faire ton wudu, quand tu sors d'avoir fait le wudu, la prière est déjà finie. Donc c'est pour vous dire que, yani ça c'est des exemples de certains imams qui prient tellement vite, je suis certain qu'ils n'ont même pas le temps de réciter les choses comme il faut. Donc c'est pour ça que c'est un rappel en même temps que ça c'est contradictoire avec le fait d'établir la salat. On va s'arrêter à cette deuxième caractéristique des mu'minines, parce que je crois que le temps est arrivé. Donc on va s'arrêter ici, je crois que c'est le temps pour vous en France d'aller faire votre salat de je sais pas si c'est Asr ou Maghreb. En tout cas pour nous ici c'est le Jumu'ah dans pas grand temps. J'aurais bien voulu continuer, mais je crois que pour vous c'est la salat, donc on va s'arrêter. Puis inshallah, on aura l'occasion de recommencer et de continuer là où on a arrêté aujourd'hui, inshallah, la semaine prochaine.